La filière. Une enquête de Philip Sands. Écrite et racontée par Philip Sands. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Philip Sands a enquêté pendant plus de 10 ans sur Otto Wächter, un officier nazi responsable du massacre de milliers de juifs de 1942 à 1945 qui a échappé à la justice. Il a retrouvé les traces administratives des responsabilités d'Otto Wächter dans l'extermination de la famille de son grand-père, Léon Buchholz, en 1942. Wächter était alors gouverneur de Galicie. Philip Sands a aussi trouvé une note de Himmler qui proposait à Wächter de rentrer à Vienne, ce qui lui aurait permis de rester à l'écart du génocide en cours. Il a refusé. Quatrième épisode, deux nazis en haute montagne. Le 16 octobre 1946, à l'issue d'un procès à nul autre pareil, 12 nazis sont exécutés par pendaison à Nuremberg pour crime contre l'humanité, une notion juridique définie à l'occasion du procès. Parmi eux, deux amis d'Otto Wächter, Arthur Seisingfart et Hans Frank. Odilo Globocznik, Globus, autre grand ami de la famille, s'est suicidé au cyanure l'année précédente, comme beaucoup de nazis, à commencer par Hitler et Himmler. Il faut croire que Otto Wächter avait un talent pour l'esquive, ou qu'il a eu de la chance. Avec Adolf Eichmann, Josef Mengele et Klaus Barbie, c'est l'un des nazis les plus gradés qui ait réussi à s'enfuir. Sa cavale dure 4 ans. Comment a-t-il réussi à échapper à ceux qui étaient lancés à ses trousses? Je m'appelle Philip Sands et vous écoutez La Filière. Document numéro 000508 du registre central des criminels de guerre. Date des crimes, 1942-1945. Lieu, Lemberg. L'intéressé est responsable de massacres, d'assassinats et d'exécutions commis sous son commandement alors qu'il était gouverneur de Galicie. Nous sommes en 1945, quelques semaines après la fin de la guerre. 15 millions de personnes sont sur les routes d'Europe. Il y a des exilés qui retournent au pays, des prisonniers libérés, des soldats démobilisés, et puis des apatrides, des réfugiés qui se déplacent au gré des nouvelles frontières. Au milieu de tout ça, Charlotte cherche son mari. C'est ce qu'elle raconte à Hans Jakob Steller en 1984, un journaliste allemand qui travaille pour le grand quotidien de Hambourg, Die Zeit, et pour une chaîne de télévision publique. À ma connaissance, ces entretiens n'ont jamais été diffusés. J'ai fini par recevoir un message, une preuve de vie, son alliance, qu'il m'a fait porter par une jeune femme. On lui transmet des instructions pour retrouver Otto. Le jour dit, elle se rend dans le village de Saint-Johann im Pongo, à 40 kilomètres de Zell am See, où elle vit avec ses enfants. Et elle retrouve Otto dans une petite rue, un peu à l'écart, derrière une vieille grange. Il siffle pour signaler sa présence. Pendant 3 ans, Charlotte et Otto vont se retrouver très régulièrement dans les montagnes autrichiennes. Jamais 2 fois au même endroit. Quand ils se séparent, ils fixent leur prochain rendez-vous et notent le point de rencontre sur une carte. Charlotte arrive toujours chargée d'un énorme sac à dos rempli de nourriture et de vêtements de montagne. Charlotte, la championne de ski. Charlotte, l'épouse amoureuse, est prête à tout, même à porter des sacs de 30 kilos sur des chemins de montagne. Celui qu'elle aimait appeler le baron Wächter, son cher Otto, vit comme un vagabond, un marginal. Il braconne et il vole. Comme ça a dû être difficile pour mon cher Otto. Une fois encore, il était considéré comme un criminel. Il était recherché. Il pouvait se faire tuer. Et c'était dur pour nous aussi. Mais Otto n'est pas seul. Il a un compagnon de cavale. Il a rencontré un jeune soldat SS qui ne voulait pas rentrer chez lui parce qu'il avait peur d'être arrêté. Ensemble, ils se sont cachés dans un refuge de haute montagne. Ce garçon était un SS peu gradé, très jeune, mais il ne voulait pas rentrer. Je crois qu'il cherchait l'aventure. Il s'appelait Burkhardt. Bon, on va essayer de joindre Bucco. Il n'entend plus très bien, alors c'est... Un jour où j'étais chez Horst, dans son château, on était en train de parler de Burkhardt. Et j'ai commencé à poser des questions. Et là, Horst me dit, bah, « Philippe, tu peux me poser tes questions, mais si tu préfères, on peut l'appeler directement au téléphone. Ce sera beaucoup plus simple. » J'étais stupéfait. Le jeune soldat allemand, qui s'était caché dans la montagne avec Otto, entre 1945 et 48, était toujours en vie, 70 ans plus tard. La dernière fois qu'on s'est parlé, Bucco et moi, il avait une aide. Tu sais, une dame à domicile. Et il n'entend pas le téléphone. Quelqu'un décroche. Oui, bonjour. Horst Wächter à l'appareil. Et va chercher Bucco. Quand on se lance dans une enquête au long cours, on vit pour des moments comme ça. Bucco est là, au bout du fil. Allô ? Je t'entends. Ok. Je dis à Horst qu'il faut absolument qu'on aille rencontrer ce monsieur. Dis-moi, on voudrait savoir si courant décembre, tu pourrais me recevoir avec des Anglais qui voudraient t'interviewer. Ah bon? Oui. D'accord. Alors on se rappelle et je t'en dirai plus. D'accord? Ok, also bis dann, alles Gute. Burkhardt a dit oui. Je n'en reviens pas. Et c'est comme ça que je me retrouve un beau jour en janvier dans un vol pour Hanovre. J'arrive de Londres, je retrouve Horst à l'aéroport, qui, lui, arrive de Vienne. Il est accompagné d'un homme, Osman, que Horst, qui n'est plus tout jeune, emploie parfois comme homme à tout faire. Osman est coiffeur. Il nous raconte qu'un jour, il a coupé les cheveux de Vladimir Poutine, nous formant donc une improbable équipée dans cette voiture de location sur la route de Cassel, où nous attend un vieux monsieur de 93 ans qui fut naguère un soldat SS. Burkhardt Rathmann, alias Bucco. Bucco est assis dans un fauteuil au milieu de son salon. Il bavarde avec Horst, avec qui il a sympathisé à la mort de Charlotte. Bucco semble se méfier un peu de moi, sa fille aussi d'ailleurs. Elle nous surveille depuis sa cuisine, prête à intervenir si nous dérogeons à la règle imposée lors de nos échanges de mails. Nous ne sommes pas autorisés à poser la moindre question sur les activités de Bucco pendant la guerre. Sinon, l'interview prendra fin immédiatement. Je demande à mon équipe si on est prêt à enregistrer. Bonjour, on est ravis d'être là. Quand avez-vous fait la connaissance de Otto Wächter? Bucco ne parle pas anglais. Je suis parti le 9 mai, j'étais basé près de la frontière italienne. Et quatre jours plus tard, j'étais à Lungau. Il fallait marcher en altitude pour ne pas se faire prendre, parce que les Américains et les Anglais faisaient des contrôles plus bas dans la montagne. Le 10 mai, je crois, j'ai raccompagné des camarades jusqu'à un col. Ils rentraient chez eux. C'est là que j'ai rencontré Otto Wächter. Burkhard Rathmann était membre de la Waffen-SS Karstjäger, une unité de chasseurs alpins chargée de traquer et de tuer les partisans, les résistants italiens, le long du front italien et en Yougoslavie. Cette unité s'étant dispersée à la frontière italienne, Buko s'est réfugié dans le village de Maria Pfarr, au milieu d'un massif très sauvage qui compte 30 lacs, les Niedere Tauern. Buko avait 21 ans, Otto 44. De toute façon, je n'aurais pas pu rentrer chez moi. On m'aurait arrêté parce que j'avais été dans la SS. Alors j'ai proposé qu'on se planque ensemble. Je ne connaissais même pas son nom. Il m'avait juste dit qu'il avait une famille, mais qu'il n'avait pas d'autre choix que de se cacher dans la montagne. Au bout de 10, 15 jours, sa femme est venue nous voir. Il avait trouvé le moyen de la joindre. C'était la première fois que je rencontrais Charlotte. Et puis après, nous avons changé de refuge, une fois, puis deux, toujours dans le massif des Niedere Tauern. On volait du lait. La farine, c'est Madame Wächter qui nous l'apportait. Saviez-vous qui il était quand vous l'avez rencontré pour la première fois? Je ne savais rien de son passé. Il lui rien du mien. Nous étions très prudents, lui encore plus que moi. J'ai compris plus tard qu'il était déjà, à l'époque, recherché pour crime de guerre. Il m'avait dit que l'initiale de son nom était W, mais c'est tout. J'ai commencé à cogiter. Au bout d'une semaine, j'avais plus ou moins deviné. Alors il m'a confirmé son identité. Donc, avant de le rencontrer dans la montagne, vous aviez entendu parler de lui, vous connaissiez ce Otto Wächter. De nom, oui. Otto vivait-il dans la peur? Se sentait-il traqué? Oui, tout le monde le recherchait, les Anglais et les Américains. Tout le monde le cherchait, les Américains, les Anglais et bien sûr les Polonais. Mais est-ce que vous évoquiez ces crimes entre vous? Vous parliez de ce qui lui était reproché par la justice, de ce qu'il avait fait quand il était gouverneur de Cracovie ou de Galicie? Peu m'importe ce qu'il avait fait. Pour moi, avant tout, il était général de la SS, l'un des plus hauts gradés du Reich, et il avait été gouverneur de Galicie. Et les Juifs, ils étaient aussi à ses trousses? J'imagine que oui, sûrement. Même si pour autant que je sache, il les avait traités avec humanité. Il ne pouvait pas faire grand-chose. C'était sur son territoire qu'on amenait les Juifs raflés dans les autres régions. Il a agi avec le plus d'humanité possible. Il n'était pas responsable du sort des Juifs. D'autres personnes les éliminaient. Mon père, lui, il a essayé. Enfin, vous savez. Et voilà Horst qui met encore une fois son grain de sel. Comme toujours, il nie la culpabilité de son père. Je ne sais pas si ce déni de réalité m'énerve, me touche ou me déprime. Combien de temps avez-vous passé avec Otto Wächter? 3 ans. Quand j'entends ça, je ne peux pas m'empêcher d'être troublé. Un nazi, et pas n'importe quel nazi, un des plus hauts gradés du Reich, est accusé d'assassinat. Et pas un simple assassinat, on parle de 100 000 personnes au moins. Ce nazi, donc, est recherché par toutes les polices. Il vit caché, mais il voit souvent sa femme. Et ça dure 3 ans. Alors je me demande, moi qui suis avocat international et qui baigne dans ce milieu, si vraiment tout a été mis en œuvre pour le traquer. Pendant ces 3 ans, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez failli vous faire prendre? Il ne voulait surtout pas être arrêté. C'est pour ça que nous restions en montagne. On ne descendait pratiquement jamais dans la vallée. Les Américains et les Anglais étaient bien trop paresseux pour monter en altitude. Est-ce que les nouvelles vous parvenaient ? On lisait les journaux, évidemment. Quand Mme Wächter montait nous voir, elle nous les apportait toujours. Vous rappelez-vous avoir lu des articles sur le procès de Nuremberg ? Oui. Comment avez-vous réagi au procès et Otto ? D'après vous, il a dit « Vae victis ».« Vae victis », le butin au vainqueur. Parliez-vous de Dieu ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on ait abordé le sujet. Let me ask you a different question. J'aimerais vous poser une autre question. Vous avez passé 3 ans avec Otto. Il est de notoriété publique, pardonne-moi Horst d'aborder le sujet, que Otto aimait la compagnie des femmes. Il était très beau, il avait beaucoup de charme. L'avez-vous vu avec des femmes ? Cela n'en valait pas la peine. Donc, aucune femme pendant 3 ans. La sienne montait toutes les 2 ou 3 semaines. Et restait une nuit ou deux. Dès qu'elle arrivait, vous vous éclipsiez ? Dans la montagne, ce n'est pas l'espace qui manque. Permettez-moi de vous dire que vous êtes un ami honorable. Je n'ai rien de mal à dire à son sujet. Pourquoi le ferais-je ? On s'entendait très bien. On partageait les mêmes choses. C'est le moins qu'on puisse dire. Après 2 heures d'entretien, Bukow fatigue. C'est un moment sympathique avec un vieux monsieur bien gentil. Mais j'ai du mal à réconcilier l'image de l'homme âgé et vulnérable que j'ai devant moi avec le SS qu'il a été. Je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il a tué. J'ai l'impression qu'il ne nous dit pas tout. D'après Horst, il perd la mémoire. C'est bien pratique. Tout au long de notre conversation, je regarde les étagères du salon, remplies de livres. Mon regard s'arrête sur une photo. Elle est petite, dans un cadre rond, et ressemble à une coupure de presse. En regardant de plus près, je finis par reconnaître Adolf Hitler. En 2017, dans une bibliothèque allemande, un joli portrait en noir et blanc d'Adolf Hitler. Bukow a fini par partir. Otto est resté seul, dans la montagne, et c'est là que ses ennuis ont commencé. Bukow est parti à l'initiative de Charlotte. Au cours de l'été de 1948, brusquement prise de scrupules, Charlotte prend contact avec la mère de Bukow et lui apprend que son fils est vivant et veille sur son propre mari. Vous devriez aller chercher votre garçon. Exit Bukow, compagnon fidèle d'Otto pendant 3 ans. Après son départ, Charlotte loue un petit chalet dans le même coin et le couple passe un mois de rêve dans la montagne avec les 3 aînés et la petite dernière Linda. Horst et sa sœur Heide sont chez leurs grands-parents. Charlotte se souvient d'un été incroyablement heureux. Son journal intime révèle qu'elle tombe à nouveau enceinte et qu'elle prend à nouveau la décision d'avorter pour se consacrer entièrement à son mari. En septembre 1948, Otto quitte enfin son refuge et s'installe chez des amis dans un village du Kaisergebirge, le massif de l'Empereur au Tyrol. Horst m'a montré une photo où l'on voit ses parents enlacés, souriants et détendus. Il adore ce cliché. Et puis un jour, au bout de 3 mois, audace suprême, Otto rentre chez lui. Es war ja dann leichter, nicht? Otto a fêté Noël avec nous. C'était plus facile en 1948. C'est pour ça que je lui avais dit de rentrer. Il a passé tout le séjour caché dans notre chambre. À la fin de l'année 1948, Otto rentre à Salzbourg, où Charlotte a installé la famille. Elle travaille dans l'entreprise de son frère, qui produit du petit électroménager. Elle a du mal à joindre les deux bouts. Horst m'a dit qu'il n'a pas beaucoup mangé dans les années qui ont suivi la guerre. Otto est donc tranquillement caché chez lui. aux plus petits des Wächter, qui n'ont jamais connu leur père, on raconte que c'est un oncle de passage, en transit depuis un pays lointain. Mais le secret finit par s'ébruiter, comme Charlotte l'explique dans l'interview accordée à Hans Jakob Stelle en 1984. Un jour, mon frère est venu à la maison parce qu'il avait besoin de quelque chose et il est tombé sur Otto. J'étais mortifiée. Je ne voulais pas qu'on sache qu'il était là. Une autre fois, une femme, je la revois encore avec son bébé, m'a expliqué « Méfiez-vous, il paraît qu'il y a un espion tchèque dans le coin et on dit que votre mari est caché chez vous. » Alors j'ai dit à Otto « C'est fini le bonheur. Il faut que tu repartes. » Repartir, oui. Mais où ? Il ne voulait pas retourner en Allemagne. Ça aurait été mieux pour lui, bien évidemment, mais il ne voulait pas voir ce qu'était devenu le pays, un champ de ruines. Il voulait partir à l'étranger. Il adorait l'Italie. De là-bas, il pourrait gagner l'Argentine. Je lui ai dit, je ne peux pas t'accompagner, j'ai les 6 enfants, ils sont petits, comment veux-tu que nous te suivions en Argentine? Mais je l'ai encouragé à partir. Notre couple était toujours aussi solide. C'est moi qui lui ai conseillé de partir pour Bolzano, où se trouvaient des gens de confiance. Avait-il des papiers à cette époque? Non, il n'avait rien du tout. Mais je lui en ai procuré. Quel genre de carte d'identité? Celle d'un mort. Ces précieux papiers autrichiens, Charlotte les obtient grâce à un ancien soldat qui avait servi dans l'armée austro-hongroise sous les ordres du père d'Otto, le général Josef Wächter, pendant la Première Guerre mondiale. Ce bienfaiteur sortait tout juste du camp de concentration de Dachau, où il avait été emprisonné, non parce qu'il était juif, mais parce qu'il était monarchiste. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il a utilisé ses contacts au sein d'une association d'anciens déportés pour procurer à Charlotte la carte d'identité trafiquée. Je crois que je l'ai quelque part dans ses papiers. La voilà, la carte d'identité. C'est bien lui. Oui. Avec une moustache. Oui, c'était après la guerre. Le document a été fait en 1946 avec cette photo. Cette fois, il s'appelle Oswald Werner. Werner Oswald ou Oswald Werner? Oswald Werner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 cartes d'identité délivrées à 1 mois d'intervalle, en février 1946 et en mars 1946, sous un nom différent, un visage différent. Mais c'est lui. Et une date de naissance différente. Oui. Elle est traduite en français et en russe aussi. Il y a une 3e fausse carte d'identité parmi les documents que Horst me montre. Ça, c'est une carte d'identité délivrée en Italie. Numéro de la carte, 305. On lit, taille moyenne, cheveux châtains, très réguliers, yeux gris. Il avait les yeux gris? Gris vert? Je ne sais pas. Au nom d'un certain Alfredo Reinhardt. Il se trouve que Reinhardt, c'est aussi le nom de la rafle coordonnée par Otto Wächter au printemps 42. Rafle qui a, entre autres, envoyé 15 000 juifs de Lemberg au camp d'extermination de Belzec. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir pris Reinhardt comme pseudonyme? C'est sûrement une coïncidence. Quoi qu'il en soit, Alfredo Reinhardt, c'est le nom que se choisit Otto. Mais avant de partir pour Rome, Otto et Charlotte veulent s'offrir des vacances en amoureux. Ils choisissent Bolzano, une station chic de sport d'hiver du Sud-Tirol, devenue un repère pour les nostalgiques du Troisième Reich. Tout le monde y parle allemand. La ville est culturellement autrichienne. Elle faisait partie de l'Empire jusqu'à son éclatement en 1919. Mais elle est désormais italienne. Mon amour, j'ai un plan fabuleux. On va passer quelques jours à Bolzano et on ira marcher dans le massif du Schlern avec une randonnée sur l'Alpe de Siusi, l'alpage le plus grand et le plus beau d'Europe. Et pour finir, excursion à bicyclette dans l'Etchtal en fleurs jusqu'à Merano. Ces vacances de rêve seront les dernières que les Wächter passeront ensemble. Dans le prochain épisode de La Filière, nous découvrirons comment Otto, alias Alfredo Reinhardt, prépare son exfiltration en Amérique latine depuis Rome et le Vatican, où il s'est réfugié. Et pourquoi il entame une éphémère carrière au cinéma dans les studios de Cinecittà. C'était La Filière, une enquête de Philippe Sounds. Écrite et racontée par Philippe Sounds. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Musique originale, Sekou Keïta et Catherine Finch. Avec Irène Jacob pour la voix de Charlotte Wächter. Lambert Wilson pour la voix de Otto Wächter. Et Horst Wächter, voix française, Emmanuel Ménard. Burkhard Hartmann à Kassel, en Allemagne. Voix française, Clémence Boué. Hans Jakob Stell, voix française, Johannes Hahn. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr.